Frédéric Sigrist, je suis surprise par le début de votre chronique Blockbuster parce que vous souhaitez revenir sur les excellents chiffres d'audience de France Inter. Oui Mathilde, au risque de passer pour le rabat-joie de service, j'aimerais inviter l'ensemble de cette antenne à modérer son enthousiasme et à opter pour une humilité de bon aloi. Parce que niveau information, je m'excuse, on a quand même des grosses carences. À quel niveau exactement ? Eh bien niveau sport, Mathilde ! À France Inter, je suis désolé, on est des quiches en sport. Cette semaine, on est passé à côté de la plus grosse nouvelle sportive du moment. Attendez, on va le couvrir le mondial de foot au Qatar. Oui, après avoir fait une journée consacrée aux arbres. Si, il y a effectivement un sport dans lequel on excelle sur France Inter, c'est la gymnastique mentale. Parce que passer d'Hugo Clément à Hugo Lloris, faut être souple des adducteurs. Non, je parle pas de la Coupe du Monde, je parle d'un vrai sport, moi. D'un sport où on donne le meilleur de soi, un sport de communion et de partage. Je veux bien entendu parler de la chasse aux Pokémon. Et la nouvelle dont on n'a pas entendu parler cette semaine sur cette antenne, c'est que 25 ans après le début de son voyage, Sacha est enfin devenu le plus grand dresseur Pokémon de l'histoire. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Et bah ça y est, après 25 ans et plus de 1200 épisodes de son dessin animé, Sacha, le dresseur originaire de la région de Bourg-Palette, accompagné de son célèbre Pikachu, est enfin devenu le plus grand dresseur Pokémon. 25 années de combat Pokémon, 25 années à arpenter les régions de Kanto, Alola, Galar et j'en passe, 25 ans de défaites en tournoi et autant de pièges tendus par la Team Rocket. Alors, je comprends pas tout, mais ça a l'air de vous faire plaisir. Hein. Alors, si vous voulez, Mathilde, en termes de pop culture, Sacha qui devient enfin champion des dresseurs Pokémon, c'est comme si les Simpsons avaient enfin vieilli. Comme si le Coyote avait enfin attrapé Bip Bip. Comme si François Bayrou avait gagné une présidentielle. C'est un rêve pour tous les laborieux du monde. Il faut croire en ses rêves. Et puis, Pokémon, Mathilde, c'est un peu le Starmania du jeu vidéo. Un concept qui semble dépassé, mais il suffit qu'on s'y intéresse un tout petit peu pour se rendre compte que ça ne sera jamais démodé. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui que sortent les nouveaux jeux Pokémon Violet et Pokémon Écarlate sur Nintendo Switch. Oui, et comme d'habitude, on entend le cœur des amateurs de jeux vidéo au graphisme léché et en haute définition, 60 images par seconde, hurler combien ce nouveau jeu est laid, techniquement indigne des consoles nouvelle génération, ce qui n'est pas faux. Et comme d'habitude, les précommandes de ces nouvelles versions sont phénoménales. Mais comment expliquez-vous une telle différence entre ces critiques sur la forme et un tel succès sur le fond ? Le concept ? Depuis 1996, avant ces plus de 250 millions de jeux vendus, il y a l'idée d'un homme, Satoshi Tajiri, qui adorait se promener en forêt pour collectionner les criquets. Déplorant l'urbanisation galopante du Japon, il a voulu donner la possibilité aux plus jeunes, que lui, de retrouver ce sentiment d'évasion des promenades en forêt. Mais c'est pas un peu paradoxal de mettre des jeunes devant un écran pour leur donner le goût de la nature ? Ah si, complètement. Mais bon, James Cameron crée bien des images de synthèse qui valent des milliards de dollars pour rendre hommage à la beauté des fonds marins. Steven Spielberg a créé le modèle du blockbuster alors que lui et ses amis ont toujours rêver de faire du cinéma indépendant, et c'est aussi dans ces paradoxes que Pokémon est intéressant, car on a pu assister chez Nintendo et Game Freak, le développeur, à un lent changement de statut de la condition animale, par exemple. Au fil des épisodes, les Pokémon n'ont plus été vus comme un outil, mais comme des êtres vivants, sensibles, qui évaluent leurs dresseurs, peuvent même les attaquer, tisser des liens avec eux et choisir de les respecter. Le fameux Sacha a même effectué une symbiose avec l'un d'entre eux, un amphinobi, ressentant tout ce que ce dernier pouvait ressentir lors des combats. Alors ça peut sembler dérisoire, mais en entendant hier matin, sur cette antenne, un jeune torero dire que la mort du taureau était le point final d'un spectacle, je me dis que les dresseurs Pokémon virtuels ont plus de considération pour des animaux imaginaires que certains êtres humains. Donc allez France Inter, chiche, moins de Coupe du Monde, moins de JO ou de tauromachie et plus de Pokémon. Frédéric Sigrist.